Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Roland Garros, c'est un tournoi de tennis qui se déroule en France, à Paris, je crois, mais très rapidement, ce tournoi se déroule sans Français, car les Français sont éliminés. Voici un extrait réalisé par Alexandre Fougeron d'excuses de Français éliminés en 2018 du tournoi de Roland Garros. C'est jamais bien de parler après, mais voilà, j'ai eu un petit souci de santé un petit peu hier soir. J'ai dû prendre quelques médicaments, j'avais mal au ventre. Il va falloir que je digère un peu la défaite parce que j'étais pas très loin à la fin du troisième. Oui, c'est sûr. Bah, finalement, il n'y a pas eu une si grosse différence que ça. Du fond du court, j'ai réussi à faire jeu égal. Je pense que la différence, elle s'est surtout faite au service. Je suis entrée sur le court en y croyant. C'était tout proche pour moi aujourd'hui. Je pense que j'aurais pu effectivement... Mettre de l'intensité de départ, d'être agressif, mais lui, voilà, il a été très bon, il a pas retenu, il s'est toujours engagé, il a été opportuniste. Je savais ce que je devais faire, mais j'ai pas réussi à le mettre en place, et du coup les choses sont allées vite, et j'ai pas réussi à réagir. Il n'y a plus qu'à essayer de progresser, d'être un peu meilleur l'année prochaine. Charles Pépin, vous enseignez la philosophie, bonjour. Vous avez notamment publié « Les vertus de l'échec » et « La confiance en soi, une philosophie » chez Alary Éditions. Pourquoi les Français perdent-ils en tennis ? Je crois qu'il faut d'abord être honnête et expliquer qu'avant de perdre au plus haut niveau, c'est ce que nous voyons, ils ont été très bons, voire les meilleurs quand ils ont été jeunes ou adolescents. Ah oui, parce que c'est paradoxe. Ça en fait le paradoxe. C'est ça, c'est ce paradoxe qu'il faut questionner. Et vous savez, quand on entend leur phrase d'après défaite, il faut pas les accabler parce que c'est dur de parler juste après une défaite, mais on entend beaucoup de choses très consensuelles, très conformistes, et ce qui leur manque, c'est un rapport à la singularité. On devrait entendre un de ces jeunes champions qui dit « Mais écoutez, je suis dégoûté, j'aimerais bien rejouer 3 points, j'aimerais bien que ce soit pas fini, j'aimerais bien jouer vraiment comme j'aurais dû jouer. » Et on sent pas comme ça cette approche de la singularité. Et ça s'explique par une raison très simple, c'est comment ils sont formés. Ils sont formés à la Fédération Française de Tennis de manière excellente, mais de manière très normative. Ils apprennent tous à jouer pareil. Et le problème, c'est que du coup, ils sont excellents, mais tous à peu près de la même façon, avec un jeu très beau, très fluide, très technique. Ce qui fait qu'ils arrivent vers 14-15 ans sans avoir eu véritablement l'expérience de l'échec qui vous oblige à développer un talent singulier pour vous en sortir. Un talent singulier, expliquez-nous, Charles Pépin, ce que ça veut dire. Quand vous arrivez à 14-15 ans et que vous avez toujours tout gagné, que la Fédération Française vous a tout offert, tout payé en termes de coaching, en termes de méthode, que vous avez déjà des sponsors, que vous avez gagné déjà beaucoup d'argent, en fait, vous n'êtes pas habitué à rencontrer des échecs très violents et très perturbants comme ceux qu'ont rencontré Nadal ou Federer. Mais pourquoi ? Et pourquoi ? Et bien parce que quand ils le rencontrent, et c'est ma réponse à votre question sur la singularité, quand ils le rencontrent plus tôt, ils sont obligés, face à cette adversité et à ce réel qui résiste, de développer quelque chose d'original pour devenir meilleur. Par exemple, Nadal, il a dû inventer un coup droit qui n'existait pas, parce qu'il n'arrivait pas à faire le coup droit classique. Nadal a inventé une sorte de coup droit lasso, qui est devenu son point fort. Eh bien, vous voyez, quand vous apprenez parfaitement tous les gestes, Gasquet, par exemple, est le plus beau jeu du monde. À 13-14 ans, c'était le meilleur joueur du monde. Vous n'avez pas cette expérience de l'adversité et du réel qui résiste, qui vous oblige à développer une compétence singulière. Pour le dire autrement, ils échouent trop tard, en fait. Ils devraient échouer plus tôt, en étant formés de manière moins normative et moins implacable, pour se forcer ainsi à développer une force singulière. Et c'est précisément la thèse de mon livre, dans les vertus de l'échec, j'explique qu'il faut échouer jeune et pas à 18 ans. Il faut échouer avant, dans les années où on apprend très très vite, où on rebondit très très vite, où on intègre très très vite, et où surtout, on apprend aussi une forme d'humilité qui va avec la créativité. C'est ça qu'on ne dit pas assez. Et des gens comme Nadal ou Federer ont une incroyable humilité. Ils se sont beaucoup plus remis en question lorsqu'ils avaient 13 ans, 15 ans, que par exemple Gasquet ou mon fils, vous comprenez ? Mais alors attendez, parce que je vais continuer à vous embêter, Charles Pépin, il y a quand même, j'imagine, dans tous les pays, des traditions de choyer les sportifs. Les sportifs, ça coûte cher, donc forcément on en prend soin. Pourquoi en prendrait-on soin plus en France qu'ailleurs ? C'est une très bonne question. C'est tout à fait le système français. Ça s'apparente au système des grandes écoles. Vous savez, c'est le même problème. Vous avez ces élèves qui sont très bons au lycée, qui sont très bons en classe prépa, qui sont très bons dans les grandes écoles et qui font un très bon début de carrière dans les grandes entreprises françaises de manière très normative, très consensuelle et qui, au fond, découvrent leur premier échec à l'âge de 30 ans, 35 ans et souvent, d'ailleurs, vont s'écrouler parce qu'ils n'ont pas eu l'expérience de l'échec. Ben, c'est pareil dans le tennis, au fond. Sauf que pour eux, l'échec qu'ils rencontrent, ils le rencontrent à 17 ans ou à 18 ans quand ils arrivent sur le circuit international en ayant été formé de manière comme ça, trop, au fond, trop lisse. Il y a quelque chose de lisse, il y a quelque chose aussi d'un assistanat géant. Dans d'autres pays européens, les champions, quand ils deviennent très bons vers 13-14 ans, ils vont investir personnellement avec leur famille, ils vont s'endetter, ils vont choisir leur coach, ils vont choisir des méthodes. Et c'est pas le cas des joueurs français. Ils sont en quelque sorte choyés, assistés, au fond, par la Fédération française de tennis, et ça leur permet pas de développer une agressivité et une créativité qui ferait d'eux les meilleurs du monde. Mais attention, cette école, très classique, très normative, elle fait quand même eux des joueurs excellents entre 100e et 15e mondiaux. Il y en a plein, et c'est très rare. Donc en fait, l'extraordinaire paradoxe, c'est d'avoir autant de joueurs très très bons et aucun joueur véritablement exceptionnel. Et alors, est-ce là, que ça questionne l'esprit français dans son essence. Est-ce que vous diriez ça des autres sportifs, je veux dire dans les autres fédérations? Est-ce qu'en France, on a une tradition de trop choyer les sportifs? Parce que, je ne veux pas être méchant, mais on ne collectionne pas les réussites en tout. Vous voyez ce que je veux dire, Charles Pépin? Oui, oui. Non, je ne connais pas très bien toutes les autres fédérations françaises. Hein. Je connais bien celle du tennis. Et je tiens quand même à souligner qu'il y a des exceptions. Vous avez aujourd'hui un jeune joueur qui s'appelle Corentin Moutet, qui a 17 ans, qui s'est retrouvé au deuxième tour de Roland-Garros quand même, il faut le dire, qui a passé un tour, qui a failli gagner le premier set contre David Goffin. Et ce Corentin Moutet a une sorte de grâce. Il semble échapper à cette école du lisse, à cette école de la norme. Mais il faut absolument préserver ça. Et vous savez, c'est pareil dans l'éducation ou dans la culture en général. Il y a deux types de civilisation. Toutes les civilisations sont déchirées entre la passion de la norme et le développement des singularités. Il faut trouver un dosage. C'est la question que posait très bien Freud, déjà dans Malaise dans la civilisation. Quel dosage trouver entre la norme et la singularité? Eh bien, le problème, c'est qu'en France, il y a une passion de la norme. Elle apparaît aussi dans le tissu économique, dans les grandes écoles. Et ça se ressent dans le tennis français. Et est-ce qu'il y a, peut-on dire, en France, selon vous, Charles Pépin, des sportifs moins cabossés qu'ailleurs? Je ne sais pas, si vous prenez les grands tennisman étrangers, est-ce qu'ils ont connu beaucoup d'échecs? Vous avez raison, on ne pourrait pas avoir, c'est dur à dire, et je préférerais ne pas le dire, mais je crois que c'est vrai, on ne pourrait pas avoir en France un joueur comme John McEnroe. Qu'est-ce qu'il a, McEnroe? Il invente tout. Il a une position au service que personne n'a jamais eu avant lui. Et puis surtout, il exprime son originalité, sa colère, son humour, son agressivité. Il est hors système. C'est pas un produit d'un système. Et nous, on a des joueurs qui sont en fait des produits d'un système et de surcroît le même système. Ce qui fait aussi d'ailleurs qu'ils sont plus lisibles de l'extérieur par les autres joueurs du monde entier, parce qu'ils connaissent l'école française. Si vous connaissez un peu le tennis, vous apercevez qu'ils ont des très beaux gestes. C'est très très beau, c'est presque des œuvres d'art. La manière dont Gasquet fait un revers, certains gestes de Gaël Monfils sont magnifiques. Et le problème, c'est qu'on a l'impression que ces individus sont des joyaux, mais la Fédération française, au lieu d'encourager l'éclat de leurs joyaux singuliers, leur a demandé de jouer au tennis d'une certaine manière, et leur a tous enseigné le même tennis. Est-ce que vous diriez que le tennis est un sport qui est très homogène socialement, Charles Pépin? Non, c'est un cliché, c'est pas vrai. Vous voyez, des gens comme Gaël Monfils, Tsonga, ne sont pas du tout des enfants de la bourgeoisie comme on l'entend souvent. C'est pas vrai, il faut pas penser ça. C'est mélangé, en fait, et le problème n'est pas social. C'est vraiment un problème de type d'éducation. Et puis, c'est aussi un problème, si vous voulez, de génération et de moment où on rencontre l'adversité du réel. Le système français est fait d'une telle manière qu'ils vont rencontrer l'adversité du réel trop tard. Et vous savez, quelqu'un comme Gasquet, il a été en finale du championnat du monde des petits as à l'âge de 13 ans face à Nadal, et il a très facilement gagné contre Nadal, vous vous rendez compte? Nadal, et c'est ce que je raconte au début de mon livre « Les vertus de l'échec », il s'est retrouvé balayé par Gasquet. Mais regardez la vidéo sur Internet, elle est incroyable, et regardez le regard de Nadal. On voit dans ses yeux, évidemment, un abattement, parce qu'il vient de se faire battre facilement. mais une incroyable curiosité. On voit qu'il est en train de se dire, il est en train d'apprendre de sa défaite. Mmh. Il est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Comment il fait pour jouer au tennis comme ça? Est-ce qu'on peut jouer au tennis de manière différente? Et finalement, ce qu'on voit dans les yeux de Nadal à l'âge de 13 ans, c'est qu'il est en train d'apprendre en une défaite, plus que Gasquet en 15 victoires. Parce qu'au fond, dans l'échec, et c'est intéressant pour votre rubrique Super Fail, le réel, en résistant, nous montre de quoi il est fait, nous montre son épaisseur, sa consistance, sa tessiture. Mais quand, comme Richard Gasquet, on a été le premier mondial de l'âge de 8 ans à l'âge de 14 ans, on n'a été que dans l'ivresse du succès, dans l'enchaînement fluide, mais on n'a pas eu la chance de rencontrer la résistance du réel. Or, quand le réel nous résiste, c'est là où la question s'élève. C'est là où le réel se déchire et s'ouvre, et on peut voir de quoi il est fait. Mais si on n'a pas vu ça à 13 ans, bah c'est trop tard à 18 ans. Parce qu'on est face à des gens qui ont 4 ans d'épreuves, 4 ans de chemin derrière eux, 4 ans pour développer leur talent singulier, et donc on est perdant. C'est une belle explication. Mais alors, du coup, je vais toujours continuer à vous embêter, Charles Pépin. À quel âge faut-il échouer? Parce que vous dites, bon, jusqu'à 18 ans, ils n'ont pas échoué. D'abord, je vous dirais que 18 ans, ça n'est pas quand même très vieux. Dans le sport, c'est très vieux, Guillaume Herner, c'est très très vieux. Je ne suis pas comme vous, je ne suis pas un sportif de haut niveau, mais donc voilà, c'est peut-être pour ça d'ailleurs. Je vais vous répondre en essayant quand même. Je pense que si on regarde les exemples de Nadal, de Federer, de Andy Murray, de Djokovic, il faut avoir échoué plutôt de façon très très dure, très constructive, plutôt vers 13, 14, 15, 16 ans. Mm-hmm. On pourrait dire ça comme ça. Mm-hmm. Mais il faut comprendre pourquoi. Parce que c'est le moment où on apprend le plus vite. Donc c'est le moment où la vertu de l'échec est la plus grande. Et il faut aussi comprendre pourquoi. C'est parce que c'est le moment où il est temps d'inventer sa singularité. Si ça arrive après, quelque part, non seulement il est trop tard parce que vous êtes trop créé par le moule, mais surtout, le problème si ça arrive après, c'est que vous avez pris trop de retard par rapport aux autres. Et puis surtout, l'histoire politique en témoigne avec des cas comme De Gaulle ou Churchill, si ça arrive trop tard l'échec, eh ben, il peut vous broyer, il peut vous écraser, pour une raison très simple, c'est que vous n'y êtes pas préparé. On oublie de dire une chose essentielle sur la vertu de l'échec, c'est que la première vertu de l'échec est de nous préparer aux échecs qui vont suivre, car la vie est faite d'échecs. Pourquoi vous dites ça pour Churchill et De Gaulle? Ben parce que De Gaulle, vous savez, avant que l'appel du 18 juin, d'ailleurs le deuxième appel, parce que le premier a été un échec, avant que le deuxième appel rencontre un succès, il avait connu la lose, l'échec, entre 1914 et 1940. Ça fait beaucoup, beaucoup d'échecs, il le raconte très bien dans ses mémoires. Et alors il explique magnifiquement, et il faudrait que les joueurs de tennis français relisent les mémoires de De Gaulle, il explique magnifiquement que lorsqu'il a fait son appel du 18 juin, qui a été en vérité un fiasco, parce qu'il attendait des grands responsables politiques, il attendait des grands chefs militaires, aucun n'est venu. Il y a eu en gros 250 bras cassés qui ont débarqué, des mercenaires et des gens comme ça. Il était extrêmement blessé, et il dit magnifiquement « Pourquoi je ne me suis pas écroulé ?» Et vous savez que s'il s'était écroulé, il n'y aurait pas eu le début de la résistance. Et il dit « Je ne me suis pas écroulé parce que j'avais l'habitude de l'échec. Ça faisait 25 ans. » Et ben c'est ça qui manque à des gens comme Gasquet. Ils ont eu l'habitude uniquement du succès entre 8 ans et 14 ans. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il faudrait les forcer à perdre? Bien sûr que non. Mais il faudrait les forcer à inventer quelque chose qui leur ressemble à eux, qui soit leur étoile singulière. Et dans ce cas-là, ils auraient une expérience de l'échec, même dans le succès, vous comprenez? Il ne s'agit pas d'obliger les jeunes joueurs à perdre, il s'agit de les habituer à avoir un sentiment d'échec, même dans le succès, parce que le succès, parfois, n'est pas mon succès à moi, il est le succès d'une norme, il n'est pas le succès de ma créativité, il n'est pas le succès de mon inventivité. Au fond, il n'est pas le succès de ma singularité. Et vous avez des gens comme André Agassi, je vous recommande son magnifique livre, Open, qui raconte très bien que parfois il gagne, mais il a un sentiment d'échec, parce qu'il a gagné sans rien faire d'intéressant. Il est juste meilleur que les autres par rapport à une norme, mais il n'est pas au plus près de son étoile singulière. Et ben c'est ce questionnement-là, vous voyez, qui fait le véritable champion. C'est pas est-ce que j'ai gagné ou est-ce que j'ai perdu objectivement, c'est est-ce que je suis sur un chemin, victoire ou défaite, peu importe, est-ce que je suis sur un chemin qui est celui de ma singularité. Merci beaucoup Charles Pépin. Je rappelle que vous avez notamment publié Les vertus de l'échec et La confiance en soi, une philosophie chez Alary Éditions. Superfell a été piétiné à la production par Anaïs Isebaer, gâché à la technique par Anthony Thomasson et dévasté à la réalisation par Alexandre Fougeron. Superfell.